Seigneur, bonjour. Allô? Allô, allô? Allô? ...57 rue de Varennes, de François Perrache. Deuxième saison, partage de minuit. Les puissants sont souvent des ratés du bonheur. De là vient qu'ils ne soient pas tendres. 57 rue de Varennes. Dixième épisode. Monsieur le secrétaire général est encore dans son bureau. Je vous accompagne jusqu'au... Qui c'est ? Le chef du cabinet militaire du Premier ministre. 5 étoiles, 2 particules. Général de Griebaud de Lézilon. Au conseil de fin de race débarque à l'Élysée à 1h du mat, c'est que les emmerdes veulent en rase-boîte. La saison touche à sa fin, mes amis, et le drame n'est plus très loin. Le Premier ministre Gerland se croyait pourtant sorti d'affaire. Grâce à des marabouts de la communication, le député Dominique Pelletier a réalisé une efficace prestation télévisuelle, éloignant pour un temps les rumeurs qui le mettaient en cause. Mais au moment même où Pierre-Yves Gerland pensait avoir éteint l'incendie qui le menaçait, la foudre est venue le frapper dans sa propre maison. Son épouse Isabelle vient de lui apprendre qu'elle souffrait d'une maladie incurable. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. 3 jours à peine se sont écoulés depuis notre premier épisode. Il est minuit passé, et à l'heure où chacun dort, notre héros erre dans les rues de Paris, hurlant son désespoir. Ouvre cette porte! Monsieur, s'il vous plaît. Laurent, ouvre cette porte! Pas tant que tu ne seras pas calmé, Pierre-Yves! Ouvre, nom de Dieu! Monsieur, il est presque 1h du matin, on va ameuter tous les voisins. J'emmerde les voisins! J'emmerde docteur Vialet! Ordure! Lâche! Sale menteur! Je sais pourquoi tu es là, Pierre-Yves. Mais on ne peut pas discuter si tu es dans cette... Ah oui, tu sais pourquoi je suis là! Bien sûr que tu sais pourquoi je suis là! Tu le sais depuis le début! Fumier, ouvre! Michel, défoncez-moi cette porte. Monsieur! Défoncez-moi cette porte! C'est un ordre! Monsieur! Ouvrez-moi cette porte! Non! Michel, je suis le Premier ministre. Ouvrez-moi cette porte. Monsieur, je ne vais pas fracturer la porte du docteur Vialet. Ça, Michel, vous allez me payer. Je vous vire! Maintenant, parez-vous! Parez-vous, nom de Dieu! Puisque vous ne me servez à rien! Je ne peux pas vous laisser tout seul, monsieur. Je suis tout seul! Barrez-vous, vous n'avez pas compris, Michel, je vous vire! Demain matin, c'est même pas la peine de vous pointer à Matignon. D'accord, monsieur. Mais en attendant, je reste avec vous. Alors ça, là, vous pouvez faire une croix sur votre carrière, mon petit vieux. Je vais vous casser en deux. Non, je lui donne un ordre, il me dit non! Le docteur Vialet va vous ouvrir, mais il faut rester calme. Je suis calme. Ok, monsieur, ok. Ok, alors je demande au docteur de nous ouvrir et tout va bien se passer. Docteur Vialet, c'est Michel. Vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Michel. Salut, Pierre-Yves. Allez, rentre, viens. Thank you. C'est des stats, tout ça, Pierre-Yves. Ça veut rien dire. Chaque malade réagit différemment au traitement. Mais en gros, c'est une chance sur deux, sur trois. Pour le pancréas, actuellement, on est sur des taux de guérison de l'ordre de 5%. 5%? À peine mieux pour les femmes et les moins de 65 ans. Mais bon, quand c'est diagnostiqué tard, comme là, la métastase peut être ultra rapide. Combien? Réfléchis pas trop à ça, Pierre. Faut y aller étape par étape. Isabelle bénéficiera des meilleurs spécialistes et des derniers... Laurent, combien? 6 à 8 mois. Merci, Laurent. Bonne nuit. Bonne nuit. Michel? Oui, monsieur. Je vais marcher un peu. Bien, monsieur. Au revoir, docteur. Au revoir, Michel. Traîne pas trop, Pierre-Yves. Il est tard. Va rejoindre Isabelle. Michel, restez pas derrière moi. Venez, on va discuter. Racontez-moi quelque chose. Parler, c'est pas trop mon truc, monsieur. Oui, ça, j'ai remarqué. Bon, alors, je vais parler pour deux. Parler, c'est ma spécialité. C'est même tout ce que je sais faire. Depuis combien de temps vous travaillez pour moi, Michel? Ça fera... Ça fera 8 mois. 8 mois la semaine prochaine, monsieur. 8 mois. Non, Michel, arrêtez de m'appeler monsieur 2 minutes. Juste ce soir. Je vous jure, ça me fera du bien. Oui, monsieur. Désolé. Vous ne devez pas sympathiser avec les personnes que vous protégez, c'est ça? C'est ça. Parlez-moi de vous, Michel. Mais ça aussi, c'est un ordre. J'ai pas grand-chose à raconter. Je sais pas, moi, vous avez des enfants, vous êtes marié? Non. Vous avez une amie, une petite copine? Oui. Ah, oui, vous avez des trucs à raconter. Comment elle s'appelle? Jean-Christophe. Comment? On vit ensemble depuis 14 ans. Ah, vous êtes... Non. Oh, ça, c'est dingue. Ah, mais jamais. C'est insoupçonnable, Michel. On se balade pas tous en t-shirt moulant rose à paillettes. Non, mais d'accord, mais vous êtes tellement... Non, c'est dingue. Enfin, j'aurais jamais deviné. Oh, c'est dingue. Non, enfin, y a pas de problème. Enfin, je veux dire, c'est super, hein. Enfin, pourquoi vous m'avez rien dit? Dire quoi? Bon, je suis désolé, Michel, pour tout à l'heure. Devant la porte du docteur, je vous ai très mal parlé, mais j'étais... Il n'y a pas de problème. Ma mère est morte d'un cancer du pancréas il y a 2 ans. Ah? Et elle a beaucoup... On devrait retourner à la voiture. Il est presque 2 heures, il commence à s'inquiéter sérieusement à Matignon. Et demain, vous avez encore une longue journée, monsieur. Ouais, allons-y. Oui. Ça va, Edwige? Qu'est-ce qui se passe? Après qui il gueule comme ça? Pelletier, ça avait commencé gentiment, il y a 5 minutes, ça a dégénéré tout d'un coup. Ah, mais là, ça chauffe quand même, hein. La dernière fois que j'ai entendu le président dans cet état, c'est quand Joyau s'est pris une avoinée au sujet de ton appartement de fonction. Tiens, voilà la cavalerie. C'est toi qui as prévenu le GSPR? Oui, à l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Vous éloignez de la porte, s'il vous plaît. Vous entendez, ça chauffe, alors j'ai préféré vous appeler. Il y a qui à l'intérieur? Le président est seul avec monsieur Pelletier. C'est quel genre, ce Pelletier? Député, désagréable. Non, mais je veux dire physiquement, il est quoi? Il est costaud, il est agressif, il peut être dangereux pour le président? Au bruit, je dirais qu'il s'en laisse pas compter, hein. Mais je m'inquiéterais plutôt pour lui que pour le président. Merde, on entre. Si j'étais vous... Quoi? Ah, dehors, les gorilles! Vous recusez, monsieur Pelletier, s'il vous plaît. Vous éloignez du président. Pour rigoler, c'est lui qui me balance son ordinateur dans la figure. Je vais te la faire bouffer, ta vidéo. Viens, on va dehors, on va s'expliquer. Je vais te faire courir, moi, rouquin, ma pédé. Vous vous reculez, monsieur Pelletier, vous vous éloignez du président. Je vous ai pas sifflé, vous, à la niche. Je m'en occupe de cet avorton. C'est bon, je m'en vais. Allez, sortez, monsieur Pelletier, s'il vous plaît. On va vous accompagner. Foutez ça dehors. Foutez-moi ça dehors. Dans 55, sur le trottoir, avec les poubelles. Réfléchissez vite quand même, monsieur le président. Je m'en vais. Au revoir, monsieur Pelletier. Au revoir, madame. Oh. Oh, ça me rajeunit. Bon, Edwige, je vais voir Gerland et Mercalal maintenant. Je crois que monsieur le ministre de l'Intérieur est en partance pour Bastia ce matin. Ah ben, il bouffera des figatelles plus tard. Et il me faut un nouveau portable. J'ai appris cette nuit, Pierre-Yves, pour votre épouse. Je me suis permis d'en informer le président. Il le fallait. Je suis vraiment... Parlons d'autre chose. En voulez-vous également ? Non, merci. La première tasse du matin est déterminante. Je sais que si je parviens à prendre mon thé avant le premier appel du président, c'est que la journée sera calme. Calme avant la tempête. Ouais. Disons plutôt que nous sommes dans l'œil du cyclone. Vous avez déjà vécu cela, monsieur le Premier ministre ? Un cyclone ? J'ai connu cette expérience extraordinaire il y a une dizaine d'années aux Antilles. Je me souviens que la nuit avait été terrifiante de vent, mais au matin, un calme absolu. Nous étions au cœur d'un gigantesque cyclone pour quelques heures. Et savez-vous quelle était la chose la plus remarquable ? La qualité du silence. Plus un seul oiseau. L'immobilité totale des feuilles d'arbres. Pétole, aurait dit mon grand-père. Aux quatre coins de l'horizon, à quelques kilomètres, des vents furieux vous attendent, mais là, un calme terrible et le silence. Une assez juste allégorie de la présidence. Et vous savez pourquoi le président veut nous voir ? J'ai cru comprendre que ça avait chauffé avec Pelletier. Vous savez pourquoi ? L'entretien de ce matin avec M. Pelletier a été effectivement quelque peu houleux. Mais vous comprendrez que je laisse au président la primeur de sa narration. Monsieur le secrétaire général, monsieur le ministre de l'Intérieur est ici. Ah, très bien. Faites-le entrer. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Salut, Pierre-Yves. Salut. Bien. Je reviens, le temps de prévenir le président. Je vous laisse quelques instants, tout de suite. Tu sais pourquoi le président veut nous voir ? Pelletier, apparemment. J'espère que c'est sérieux, je devrais être dans l'avion, là. J'ai dû tout annuler, ça fout tout mon planning en l'air. T'avais prévu d'aller où, déjà ? Bastia. Encore ? Mais c'est une obsession chez toi. Mais je vais là où on a besoin du ministre de l'Intérieur. Ils ont besoin de policiers, pas de journalistes. Pierre-Yves. Laisse tomber. Tu fais ce que tu veux, de toute façon. Comme toujours. Écoute, Pierre-Yves. Ce matin, au bureau, en arrivant, J'ai trouvé une note blanche qui me dit qu'Isabelle aurait des ennuis de santé. Et je voulais te dire, enfin même si ça change rien à nos différends, je voulais te dire simplement que, enfin je ne savais pas. Donc évidemment si je peux faire quoi que ce soit pour Isabelle, enfin je suis désolé. Je voulais juste que tu saches que je sais. Et pour ma gouverne, Pablo, ça vient d'où les fuites ? Bah, je te dis, une note blanche des RG. Ils t'ont suivi cette nuit devant chez le docteur Violet. Mais je te parle pas de ça. Je te parle de Belansky. Comment t'as su pour le colonel Michaka et toute l'opération ? Je pensais que t'avais deviné. Bah non, sinon je te demanderais pas. C'est quelqu'un de mon cabinet. C'est ta femme ? Isabelle m'a appelé le soir des obsèques de Belansky. Je crois qu'elle n'a pas supporté de savoir que tu couvrais le meurtre d'un ami. Messieurs, le président va vous recevoir, si vous voulez bien me suivre. On arrive. Désolé, Pierre-Yves, je pensais que tu savais. Monsieur le Premier ministre... Le président vous attend. Bah, c'était ton boulot, Pablo, de surveiller ce genre de choses. Mais quoi, comment je pouvais deviner? Pourquoi je l'aurais surveillé? Et comment je l'aurais surveillé? J'avais pas les moyens que j'ai aujourd'hui à Beauvau. Bah, Belansky était trésorier de campagne, fallait le surveiller comme le lait sur le feu. La preuve! Ça nous pète à la gueule. Tu savais qu'ils étaient proches avec Pelletier? Oui, oui, bien sûr, comme tout le monde, je savais qu'ils étaient assez proches. On savait tous que Pelletier et Belansky étaient proches, mais pas plus que ça. De là à faire un film, putain. Je pouvais quand même pas deviner que Belansky allait en faire son confident. Oh bon, mais alors, c'est si mauvais que ça, cette vidéo? Cette vidéo, Pierre-Yves, c'est un gros paquet de merde enveloppé dans de la nitroglycérine. Par hasard, elle sort maintenant. Ben, apparemment, Pelletier, là, depuis plusieurs semaines, il l'a reçu par l'avocat de Belansky, un mois après sa mort. Il attendait le bon moment pour la sortir. Il y a quoi dans cette vidéo, exactement? Des noms, des chiffres? Les noms, les chiffres, les dates. C'est un vrai cours de financement de campagne présidentielle. Les donateurs, les rétrocommissions, les meetings, le fonctionnement des micro-partis, tout. Ça dure près d'une heure. À toi tout seul, Pierre-Yves, t'es cité une vingtaine de fois en tant que directeur de campagne. Si ça sortait, tu tiendrais pas 24 heures à Matignon. Mais t'en réjouis pas trop vite, Pablo. Il y a un passage qui te concerne et que j'apprécie particulièrement. Je l'écoute en boucle. Ça devrait te plaire. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre là-dedans, moi? Le financement, j'y ai pas mis le nez. Moi, je sais. Mais écoute ça. Ce jour-là, j'ai remis les 750 000 euros en argent liquide. Directement sur le bureau de Pierre-Yves, qui était directeur de la campagne à l'époque. En présence du président de la République. Enfin, du futur président. Et de Pablo Mercadal. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu veux réécouter? Ce jour-là... Je m'en lasse pas. J'ai remis les 750 000 euros en argent liquide. Directement sur le bureau de Pierre-Yves, qui était directeur de la campagne à l'époque. En présence du président de la République. Enfin, futur président. Et de Pablo Mercadal. Mais vous savez bien que c'est faux! Oui, nous, on le sait. Mais pas sûr que ta parole fasse le poids. Avec une vidéo comme ça, personne ne croira que tu n'étais pas au courant. Mais pourquoi il raconte ça, cet enfoiré? C'est le coup de pied de l'âne, Pablo. T'as toujours méprisé Belansky. Tiens, sa petite vengeance posthume. Et maintenant, on est tous dans le même bateau, Pablo. Avec cette vidéo, Pelletier nous tient par les couilles. Et qu'est-ce qu'il veut? Du fric? Ce que Pelletier m'a demandé, je ne lui donnerai jamais. Jamais. Vous avez 11 nouveaux messages. Lundi 21 mars à 11h47. Salut Pablo, c'est Virginie. Écoute, on me dit que l'annonce est imminente. Il y a déjà Hervé, Antoine et Valérie qui m'ont appelé pour me dire qu'ils en étaient. Et moi, j'ai pas su quoi leur dire, je passe pour une conne. Et surtout, je commence à m'inquiéter sérieusement. Je voulais juste redire que je suis à tes côtés pour te servir et servir tes projets. Et que si j'ai pu échouer de temps en temps, je te demande pardon. J'ai pas d'ambition politique personnelle. Tu peux m'utiliser pendant le temps qui te convient et qui convient à ton casting. Et si tu m'utilises, j'aurai besoin de toi comme guide, comme soutien. Sans guide, je risque d'être inefficace et sans ton soutien, je ne serai pas crédible. Bon, rappelle-moi, s'il te plaît, ou au moins un SMS. Je t'embrasse. Lundi 21 mars à 11h35. Bonjour, monsieur le ministre. Enfin, je devrais dire monsieur le Premier ministre, mais respectons les institutions, encore quelques heures de patience. Et c'est précisément à ce sujet que je vous appelle. Le président souhaite qu'on aille vite et que la passation à Matignon ait lieu à 17h, si cela vous convient. L'annonce de la composition est toujours prévue à 14h, donc on attend encore vos compositions pour les deux derniers strapontins pour voir. À peu près n'importe qui, il fera l'affaire, mais des femmes, évidemment, seraient préférables. Pas nécessairement issu des minorités, on a déjà ce qu'il faut sur la photo. Donc le président attend votre appel. Hein. Profitez bien de cette journée, ce sera probablement la seule agréable pour vous dans les 18 prochains mois. Tout à l'heure. Lundi 21 mars à 11h42. Oh putain Pablo, t'as même pas les couilles de me répondre, connard. J'ai dû appeler l'Élysée moi-même. C'est dégueulasse ce que vous faites. dégueulasse. Si vous me virez à cause de mon appart, vous êtes vraiment des merdes. Fallait le faire il y a 3 mois, maintenant ça n'a aucun sens. Et Pelletier à Beauvau en plus, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Va te faire foutre, hein. Va te faire foutre, toi, et tes 70% de bonnes opinions. Dans 6 mois, t'es mort. Et compte sur moi pour bien te faire chier à l'Assemblée. Tiens, Christian. Aide-moi à poser ça là, s'il te plaît. Et ça aussi. C'est effrayant. Tant de papiers et si peu de politique. Ça va être l'heure. Tu veux écouter ? Oh, pourquoi pas. Même si... Allez, non, vas-y, allume la télé. Oui, bonsoir Jean-Michel. Effectivement, nous sommes toujours en direct du palais de l'Élysée. Non, mais coupe le son, s'il te plaît. Il débarque à quelle heure, les autres ? 17h. Ça serait bien d'avoir tout débarrassé avant. J'ai fait 3 tas. Tout ce qui est sur la grande table s'est inversé aux archives nationales. Armel a commencé à étiqueter les cartons. Tout ce qui est par terre, c'est pour la broyeuse. Et sur mon bureau, c'est archives personnelles. Si tu peux les faire livrer chez moi. Même si je sais vraiment pas ce que je vais faire de tout ce bordel. J'ai loué un garde-meuble en attendant qu'on trouve des nouveaux bureaux. Sauf s'il y a des choses que tu veux garder sous la main. Non, c'est fini. Ah, Christian, il faut absolument qu'on se voit aujourd'hui ou demain ou plus tard. Pour recaser les conseillers. Dans une semaine, une lettre de recommandation de ma part, ça ne vaudra plus rien. T'exagères, Pierre-Yves. Oui, j'exagère. Et toi, qu'est-ce que tu fais après ? Ah, ça y est. Messieurs, c'est parti. Conformément aux articles 8 et 9 de la Constitution, et sur proposition du Premier ministre Pablo Mercader. Ça fait drôle quand même. Le président de la République a nommé Madame Christine Latour, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. C'est Goldman Sachs qui va être content. Monsieur Mustapha Kadour, ministre de la Justice. Lui, c'est l'arabe qui cache la forêt. Monsieur Dominique Pelletier, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité. Christian, éteins, s'il te plaît. Madame. À suivre. Rue de Varenne. De François Perrache. 10e épisode. Hervé Pierre, Chris Nyangona, Louis Do de Langsa, Féodor Atkin, Vincent Mehmet, Gilles Privat, Alain Rimoux, Grégoire Osterman, Anne Deleuze, Thibaut de Montalembert, Yvan Jacob, Jean-Christophe Lebert, Léonie Pinjot, Patrice Bornand, Bernard Lanneau, Adrien Michaud, Olivier Chauvel, Jean-Charles Delhomme et Delphine Léonard. Bruitage, Élodie Fiat et Sophie Bissance. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Chaleureux remerciements à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour leur accueil amical. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Démon et Émilie Couette. Yes, me voir. I just went on tour. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Yes, me voir. Réalisation, Cédric Ossier. I just went on tour. Daddy in the air blow the whistle, and if I made it ring the bell. It's bad, you know.